Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107FM. Nous sommes le mercredi 9 février 2022. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre, vous êtes bien sûr en direct. Il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même. Et pour cette nouvelle édition, j'ai le plaisir de recevoir, le plaisir et l'honneur je devrais même dire, de recevoir par téléphone Benjamin Pascal, comédien de doublage, voix off et musicien entre autres, qui est là pour nous parler de ses différentes activités et pour nous partager son parcours, tout simplement. Donc, bonjour Benjamin. Salut Chris, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Eh bien, ça va super, merci de me recevoir, je suis trop content. Avec plaisir. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots ? Eh bien, oui, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Benjamin Pascal, je suis comédien. Ça fait longtemps maintenant que j'ai commencé au théâtre en 88, j'ai commencé le doublage en 89, et voilà, c'est une activité que je pratique principalement, voilà, je fais surtout du doublage depuis un peu plus de 30 ans maintenant. D'accord. Et donc, déjà, avant toute chose, je tenais à te remercier, Benjamin, d'avoir accepté mon invitation, car on a déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu avant, et comme je te l'ai déjà dit, je crois, le monde du cinéma, de la télévision et du doublage, c'est un monde qui me fascine depuis aussi longtemps que je me souvienne. Donc, je tenais vraiment à te remercier de m'accorder cette petite heure d'émission. Voilà. Avec plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Avec plaisir. Donc, du coup, tu l'as un petit peu dit, mais on va peut-être pouvoir développer un petit peu pour en être là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu as fait, du coup, tu fais ces métiers depuis 88 ou 89 pour le doublage. Donc, est-ce que tu as fait des études de comédien, par exemple, des études de cinéma? Non, j'ai fait des études de cinéma après, quand j'étais à la fac, mais j'ai eu un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé enfant. D'accord. J'ai commencé étant enfant. On va dire que je suis né dans une famille d'artistes. Mes deux parents étaient comédiens. Ma mère a arrêté peu après ma naissance, mais mon père a continué. Donc moi, tu veux, mes parents jouaient au Festival d'Avignon. J'avais 15 jours. J'étais dans le couffin derrière la scène. Donc j'ai vraiment grandi dans ce monde-là. Et en fait, voilà, je me suis retrouvé à faire 2-3 petites expériences tournage, conneries quand j'étais môme. Et ça a vraiment démarré quand on m'a proposé de jouer le rôle du petit prince, à une époque où il y avait la compagnie de Guy Gravis qui avait l'exclusivité mondiale, et du coup ils ont joué, je crois, pendant 25 ans le petit prince en exclusivité, et ils avaient besoin toujours d'enfants, et donc le metteur en scène travaillait avec mon père sur une autre pièce, un autre spectacle, et il m'avait demandé si ça m'intéressait, et voilà, je me suis retrouvé à passer des auditions, j'ai été choisi, et en fait on va dire que c'est mon père qui m'a vraiment fait travailler le rôle et qui a été mon prof de théâtre, quoi, on va dire comme ça. Et après j'ai appris sur le tas, et la synchro c'est venu parce que à la fin des années 80, ils avaient vraiment l'habitude à l'époque que ce soit surtout les femmes qui fassent les rôles d'enfants en doublage. Et de plus en plus vers la fin des années 80, ils ont commencé à chercher des enfants comédiens pour faire du doublage. Et moi j'étais dans le listing des enfants comédiens. Et du coup, c'est comme ça qu'on en est venu à me proposer d'essayer. J'ai passé un essai en doublage, un casting pour lequel j'ai été choisi sur la série Quoi de Neuf Docteur, pour faire le rôle de le jeune fils. Et au final, une série que j'ai pas pu faire parce qu'ils ont finalement enregistré tous les jours de la semaine. Donc, ils ont pris quand même une femme pour faire le rôle, mais j'ai commencé à faire les premières armes sur cette série en tant que dans les copains. D'accord. Donc, du coup, le petit prince, donc Antoine de Saint-Exupéry, me semble-t-il. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je vais te demander depuis quand est-ce que tu pratiques ces différents métiers, mais donc tu l'as dit depuis la fin des années 80. Et est-ce que, du coup, tu dirais que depuis tout petit, depuis que tu es enfant, tu voulais devenir comédien, ou est-ce que cette voie s'est dessinée juste plus tard dans ton esprit? Non, c'est marrant. En fait, quand ça m'est arrivé l'opportunité de le faire, je l'ai fait pas dans l'idée de devenir comédien. Je l'ai fait parce que je trouvais ça amusant. J'ai fait comme un hobby, quoi, on va dire, quelque chose d'incroyable qui m'arrivait. J'ai eu des opportunités incroyables avec Le Petit Prince. Je suis allé très vite en tournée partout en France. J'ai joué dans le désert du Maroc, à l'endroit où Saint-Exupéry atterrissait quand il était dans l'aérocostale. Jouer en plein désert devant le premier ministre du Maroc, je suis allé en tournée au Japon. Enfin, il m'est arrivé des trucs incroyables pour un gamin. Donc, moi, c'était vraiment dans le domaine de l'amusement, je faisais ça très sérieusement, par contre. J'avais une implication qui était professionnelle, mais je le faisais vraiment que pour le plaisir. Et mon but professionnel quand j'étais gamin, c'était d'être réalisateur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après, arrivé à l'âge adulte, enfin arrivé à la période de la fac, j'ai fait du cinéma pour pouvoir devenir réalisateur. J'ai fait énormément de tournages à tous les postes. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à écrire et puis je me suis rendu compte qu'au final, ce qui m'intéressait plus, c'était l'écriture que j'ai développée en activité en parallèle du comédien. Et je me posais la question, je me suis dit, est-ce que j'arrête ou pas en tant que comédien? Et en fait, comme ça m'a dit, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, j'ai décidé de continuer en parallèle mon métier de comédien. Mais après, au final, ça s'est complété dans un désir justement de raconter des histoires. Je crois que c'est... quelque chose, c'est ça qui m'a attiré depuis, et c'est ça qui me plaît toujours, que ce soit en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, en tant que comédien, c'est participer à raconter des histoires, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'a plu dès le début, et c'est ce que j'adore faire. D'accord, et donc, du coup, à quelle occasion, enfin, est-ce que tu te souviens du tout premier rôle que tu as incarné en tant que comédien de doublage, du coup? Ah oui, complètement. Alors donc, après ce premier essai que j'ai fait sur la série Quantum Doctor, la première synchro que j'ai faite, c'est sur le film Haute Sécurité avec Stallone. Mm-hmm. C'est un film où il est, je crois, en prison toute la film, justement. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une ambiance, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un rôle particulier, c'est une ambiance générale. Bon, voilà, c'est parce que au tout début du film, il va y avoir 2-3 gamins dans la première scène du film. Et donc voilà, c'est ma première synchro, c'est sur ce film-là. Et j'en garde un super souvenir. Enfin, je trouvais ça incroyable. Au début, moi, quand j'étais petit et que j'avais doublé des films, je trouvais ça magique de voir les films avant qu'ils sortent, de participer à ça, de me retrouver sur des films de Spielberg ou des films de Eastwood. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment magique là-dedans. Et ouais, c'était un vrai bonheur de voir le... doubler Stallone, de voir d'entendre ses voix mythiques, de pouvoir participer, même si c'était de manière très modeste, en tout cas sur cette première synchro. Bien sûr, mais je pense qu'il faut bien commencer quelque part, et du coup, tu as commencé par ce petit rôle, et puis du coup, maintenant, tu as une grande carrière depuis toutes ces années. Voilà, tu prêtes ta voix. De toute façon, c'est sûr que ça reste un parcours qui, à moi, démarré étant enfant, donc j'ai eu cette chance-là. Et du coup, j'ai pu apprendre sur le tas. J'avais une très bonne lecture, une lecture rapide qui a fait que, en tant qu'enfant, ça collait. Et les gens ont été patients et m'ont permis d'apprendre mon métier sur le tas. Mais même pour ceux qui démarrent de manière adulte, de toute façon, on passe par là. On commence par des ambiances, des petits rôles. Puis petit à petit, ça fait boule de neige. Quelqu'un nous fait confiance, on a un rôle un peu plus important. Et voilà, ça s'enchaîne comme ça. Bien sûr. Et donc, du coup, un comédien de doublage, donc, comme son nom l'indique, c'est en quelque sorte un comédien de l'ombre, si on veut, c'est celui, du coup, qui prête, celui ou celle, hein, qui prête sa voix à un acteur ou à une actrice non francophone ou à des personnages de dessin animé ou de jeux vidéo, mais du coup, on voit pas la personne qui prête sa voix. Voilà, mais ça ne t'a jamais intéressé d'être, on va dire, sur le devant de la scène, devant la caméra, ou t'as toujours voulu être, du coup, derrière? Alors, en fait, ce sont différentes facettes du même métier. Ça reste un métier de comédien. Et moi, en tant que comédien, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait des tournages, j'ai fait plein de choses. Il se trouve que, ayant démarré enfant, et comme j'en ai fait énormément, je suis très à l'aise avec la technique particulière du doublage, ce qui fait que les gens m'ont appelé de plus en plus et que j'en ai fait beaucoup. Du théâtre, j'en ai fait pas mal, déjà à mes débuts et puis après en étant jeune adulte. Et tournage, j'en ai fait moins, mais parce que aussi comme j'en fais moins, j'ai moins l'habitude et du coup je suis moins performant dans cette technique particulière-là. Donc voilà, mais ça reste des facettes différentes qui se complètent. On apprend des choses. J'ai progressé en tant que comédien en faisant les trois, en fait. Donc et après il y a des comédiens, honnêtement, qui sont très très bons en doublage et qui vont être moins bons sur scène, parce que sur scène c'est un jeu qui réclame autre chose. Je dirais que en doublage ça peut être plus il y a peut-être plus de points communs avec le tournage, à la limite, en termes de jeu. Mais après, il y a un rapport à l'image et à la caméra qu'il faut aussi maîtriser, un rapport aussi avec l'équipe technique. Donc voilà, C'est intéressant. Toutes les facettes sont intéressantes. Après, l'implication n'est pas la même. Le gros avantage du doublage, puisque vous en faites énormément et voilà, c'est ça qui me plaît, c'est que l'implication en termes de temps sur les rôles est beaucoup plus courte. Quand on joue un personnage sur scène ou quand on va faire un tournage, on y va plusieurs jours pour un tournage et sur scène, on va répéter un mois, deux mois avant de jouer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer 250 fois la même pièce. En doublage, quand on va doubler un film, on va un jour et demi maximum. Quand on double une série, on va avoir plusieurs dates, mais encore plus maintenant parce que le moyen d'enregistrer avec les nouvelles technologies a fait que ça va beaucoup plus vite qu'avant. Mais ce que je veux dire, c'est que on reste moins longtemps avec les personnages et du coup, on fait des choses beaucoup plus variées. Et c'est ça l'avantage du doublage, c'est que dans la même journée, dans la même semaine, on va faire un drame, une comédie, on va faire un film de science-fiction, on va faire une sitcom, un dessin animé, on va faire des personnages complètement différents. Et l'autre avantage, c'est que comme on n'est pas à l'image, on peut jouer des rôles où physiquement, on ne convient pas, mais on convient vocalement. Et ça permet d'avoir une gamme de personnages beaucoup plus variée et de jouer des choses vachement plus différentes aussi. Des rôles auxquels on n'aurait pas accès, par exemple, en tournage ou sur scène. Donc, voilà. Après, honnêtement, ça reste un métier fantastique, quel que soit le médium, le support sur lequel on pratique. Bien sûr. Et donc, comme tu viens de le dire, on peut être, enfin, du coup, le comédien de doublage ou la comédienne de doublage peut jouer un drame, puis une sitcom, puis un dessin animé, etc., etc. Mais du coup, toi, en tant que comédien de doublage, comment est-ce que tu fais pour te mettre dans la peau du personnage que tu vas incarner, du coup, à qui tu vas prêter ta voix? Alors ça, c'est vraiment quelque chose, je me rends pas compte si c'est quelque chose qu'on doit apprendre ou quelque chose qui doit être, qui doit faire partie, on va dire, de du tempérament, enfin, de la personne, pour pouvoir faire du doublage, mais on a très peu de temps, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive sur le plateau, on va regarder la scène. Alors ça dépend du budget, on va dire, si c'est un film, on va regarder, on appelle ça des boucles. On coupe la scène en portions de 30 secondes, entre 30 secondes et une minute, on va dire. Donc on va voir le petit extrait en VO, en version originale. Mm-hmm. Si c'est un film, on va le voir 2, 3, 4 fois. Si c'est un téléfilm ou une série, on a peut-être moins de temps. On va la voir une fois si la scène est facile, deux fois si la scène est plus difficile pour le personnage. Voilà, ça va dépendre du temps d'enregistrement qu'on a dans la globalité. Mais quoi qu'il arrive, ça reste très très vite et il faut tout de suite rentrer dedans, il faut tout de suite s'adapter. Je pense que ça doit être, il y a une qualité qu'il faut pour faire du doublage, c'est être attentif à la VO, c'est-à-dire aux intentions quand je dis VO, c'est la version originale, mmh. aux intentions de l'acteur dans la version originale, les émotions, le niveau sonore, à qui il s'adresse, etc. Enfin voilà. Et après pouvoir s'adapter immédiatement. Donc c'est un coup à prendre, c'est une habitude. Je pense qu'il y a des comédiens peut-être effectivement à qui ça correspond pas, ils ont besoin de temps pour travailler. Et voilà. Là, on est vraiment dans quelque chose de très spontané et on doit être tout de suite sur le coup. Voilà. Il n'y a pas de temps de préparation. On n'en reçoit pas les textes à l'avance, on voit pas les films à l'avance. Alors, dans le cas d'une série ou d'un dessin animé, quand on a des personnages qu'on suit sur le long cours, évidemment, on arrive, on connaît tout de suite le contexte général, l'ambiance de la série, on connaît bien son personnage. Donc là, c'est encore plus facile, on va dire, à faire. Mais très très souvent, on arrive et on découvre. Mais c'est ça qui fait que après 30 ans, en tout cas, moi, je m'en lasse pas. C'est parce que on est tout le temps dans la découverte et dans le. Enfin voilà, moi, je pars bosser, je sais pas ce que je vais faire. Effectivement, ça fait partie du plaisir. Voilà. Mm-hmm. C'est Donc, comme tu le dis, du coup, vous travaillez avec des boucles, du coup, de 30 secondes, une minute, et pour être, du coup, en accord avec le mouvement des lèvres de l'acteur que tu incarnes, du personnage que tu doubles, les comédiennes et les comédiens de doublage se servent de ce qu'on appelle une bande rythmo. C'est cette bande avec les paroles qui défilent sur l'écran, me semble-t-il. Ouais. C'est pas trop compliqué à lire parce que ça défile assez vite, quand même. Encore une fois, c'est une technique à apprendre. Je pense que c'est un peu, je dirais que je mettrais ça en parallèle un peu avec la conduite. Quand on apprend à conduire une voiture, on doit apprendre tout ce qui est technique, c'est-à-dire les pédales, le volant, le jet de vitesse, etc. Et après, une fois que ça s'est inscrit, on s'en débarrasse, on n'y pense plus, ça devient un réflexe. Et c'est à partir de là qu'on peut être attentif sur ce qui se passe sur la route et être un bon conducteur. De la même manière, là, c'est une technique particulière à apprendre. Donc, effectivement, il faut avoir une capacité de lecture rapide, mais au même titre que, par exemple, un musicien qui doit lire une partition à l'avance, avec une mesure d'avance par rapport à ce qu'il joue. Là, c'est ça. Il faut avoir l'œil sur la bande rythmo, pouvoir lire très très vite. Il faut pouvoir lire aussi les répliques des autres personnages pour savoir à qui on répond, enfin ce qu'on dit. Et il faut avoir un regard en plus sur l'image pour voir effectivement les mouvements de bouche, pour voir les mouvements des personnages. Parce que quand un personnage se lève, il faut que ça s'entende vocalement. Quand un personnage court, ça doit s'entendre. Quand un personnage a une cigarette à la bouche, ça doit s'entendre. Enfin voilà. Tout ça, faut le voir à l'image. Évidemment, on l'a vu déjà la première fois quand on regarde la scène, mais quand on le refait, quand on l'enregistre, il faut pouvoir gérer toutes ces choses-là. Mais ça doit devenir un réflexe et pour pouvoir se concentrer seulement sur le jeu et les intentions et les émotions. D'accord. Donc, il est 14h17. Donc, avant de parler encore plus de tout ça, je te propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que tu as choisie, Benjamin, et que nous écoutions pour commencer Old Love, que tu connais bien, me semble-t-il. On en parlera un peu plus tard dans cette émission avec son morceau intitulé La Tristitude. C'est un morceau qu'on passe de temps en temps chez nous à Radio Guimauzo aussi. Donc, pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, c'est de la pop française, je dirais. C'est un morceau sorti en 2011 et c'est un titre tiré de l'album Le Monde est Beau d'Old Love, album sorti le lundi 12 septembre 2011. Et d'ailleurs, je crois que dans le clip, on te voit pendant quelques secondes, Benjamin. Oui, on me voit, il y a ma mère, il y a ma sœur, il y a mon épouse, on y est en famille. Voilà, donc du coup, on écoute Old Love et son titre La Tristitude, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Guimauzo, d'ici un peu près de 5 minutes quand même, voilà. Donc à tout de suite sur Radio Guimauzo. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude, c'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à nos gens le retrouve. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est vous, c'est eux. C'est vous, c'est la vie qui te dit que ça va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, mal, mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux d'un avoir. La tristitude, c'est ouh, c'est eux, c'est vous, c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, la tristitude. C'est devenir styliste, mais pour Eddie Mitchell, c'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, mal, mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu la détresse dans le crâne à moi. La tristitude, c'est c'est ouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. Non, non, non, la tristitude, la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude, la tristitude. La tristitude, c'est un peu de tristesse et de solitude. C'est comme de la tristitude plus rien. En tout cas, c'est la tristitude, la tristitude, la tristitude. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Nous sommes bien sûr toujours en direct, il est 14h23. Vous venez d'écouter Hold the Laugh avec le morceau intitulé La Tristitude. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Benjamin Pascal, comédien de doublage, voix off et musicien entre autres, qui est là pour nous parler de ses différentes activités et pour nous partager son parcours. Ça va toujours ? Mais oui, super, très bien, merci. Parfait. Donc, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale, bien que je pense connaître déjà la réponse un petit peu. Pourquoi avoir eu envie d'écouter ce titre d'Hold the Laugh? Hold the Laugh, c'est un ami. J'ai eu la chance de participer à son aventure musicale précédente. Mm-hmm. Son groupe qui s'appelait Hold the Laugh et Monsieur D. J'ai été le dernier Monsieur D de l'histoire. Et voilà, je suis arrivé, ça m'est tombé... tout cru, miraculeusement, on va dire. J'étais pas du tout destiné à faire carrière de musicien. Et voilà, ça a été une expérience formidable, une façon de voir la scène aussi de manière complètement différente. Ça a été aussi particulier parce qu'on a été en tournée pendant un an et demi. Donc voilà, il y avait un côté troupe et fratrie dans lequel je me suis bien retrouvé. Et c'était que des bons souvenirs. Une période assez chouette de ma vie. Mmh. Et donc justement, dans ce clip, comme je l'ai dit avant de lancer la pause musicale, tu apparais dans le clip, je laisse nos auditrices et auditeurs mener l'enquête pour voir où tu es dans le clip, mais vu que tu es présent dans ce clip, est-ce que c'était en tant que Benjamin ou est-ce que c'était en tant que Monsieur D? Non, c'était en tant que Benjamin, c'était aussi pour le clin d'œil. Là, c'était le premier album solo d'Hold the Laugh, après la fin du groupe Hold the Laugh et Monsieur D. Donc voilà, il avait besoin de monde pour son clip c'était sympa que moi je puisse aussi être là un petit peu et faire un petit clin d'œil. Bien sûr. Et donc du coup, comme tu l'as dit également, il y a ta sœur qui apparaît notamment, donc Caroline, c'est ça? Oui. Voilà, qui est aussi comédienne. Voilà, donc c'était pour la petite info complémentaire. Et donc, du coup, pour donner un petit peu l'envers du décor à nos auditrices et auditeurs, pourquoi cette émission a lieu aujourd'hui? Car tout simplement, étant un joueur de jeux vidéo occasionnel, je t'ai connu à travers le personnage de Peter Parker, Spider-Man, dans les jeux vidéo The Amazing Spider-Man, sorti en 2012, et The Amazing Spider-Man 2, en anglais, sorti en 2014, car oui, Benjamin, c'est toi qui es la voix de l'homme-araignée dans ces jeux vidéo. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de te contacter, d'y aller au culot, comme on dit. Et puis du coup, voilà, tu as accepté, j'étais ravi que tu acceptes. Et voilà un petit peu pour l'envers du décor. Et... Bah, t'aimes bien faire, en tout cas, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, les jeux, c'était sympa, parce que c'est vrai que, bah, je suis un grand fan de super-héros. J'ai eu l'occasion d'incarner quelques-uns, et c'est des bons souvenirs, c'est assez sympa. Et c'est vrai que j'avais été un Spider-Man dans un jeu, avant cela, un jeu où il y en avait, il me semble, je crois qu'il devait y avoir 4 versions de Spider-Man différentes, un petit peu dans le principe du multiverse, là, qui est revenu récemment. Et je faisais un du futur, je vais faire Spider-Man 2022, ou je sais plus, 2222, enfin, je ne sais plus exactement lequel. Et puis, voilà, les clients avaient été contents, et quand ils avaient décidé sur la génération d'après de changer de voix, je crois que c'était au moment où il y a eu des films avec Andrew Garfield, j'ai l'impression. En tout cas, c'était plus la trilogie après la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Et du coup, ils m'ont demandé à moi, parce que le film n'était pas sorti encore, donc il n'avait pas encore été filmé. Donc il n'y avait pas de voix attribuée, et voilà. Donc, comme j'étais un des Spider-Man du jeu d'avant et qu'ils avaient été contents, j'ai eu la chance de faire ces jeux-là, et je me suis bien éclaté, parce que le rôle pour le coup de Peter Parker est vraiment vraiment fun à faire, avec toutes les vannes, avec le côté je me la pète et des conneurs, enfin c'est vraiment sympa à faire, donc je me suis vraiment amusé sur les différents jeux que j'ai pu faire. Bien sûr. Donc du coup, je vais me permettre de te corriger, Benjamin. C'était Spider-Man 2099 que tu interprétais. Voilà, super, exactement. Mais non, mais t'as bien fait. Bien, je savais qu'il était dans le futur, tu vois, mais je savais plus quelle année. dans le jeu Spider-Man Dimension. C'est ça, exactement. Voilà. Tu connais mieux que moi, c'est pas. Bon, je me suis renseigné. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai envie de faire une petite transition parce que j'ai un message sous les yeux d'une de tes fans, oui, d'une de tes fans qui aime ton travail et qui gère une page cinéma du nom de Miss Movies sur Facebook, qui est une très bonne page d'ailleurs. Déjà, elle tenait à te remercier pour la contribution que tu as réussi à apporter au jeu The Amazing Spider-Man, donc le 1 et le 2, en doublant, en prêtant ta voix à un héros du coup de la célèbre filiale Marvel. Voilà. Et elle dit d'ailleurs que ce héros, Spider-Man, est pour elle le plus grand héros de Marvel. Donc, elle me demande de te dire, voilà, que tu peux être fier du travail que tu as accompli, d'avoir donné vie, du coup, à ce Peter Parker. Ensuite. Bah, c'est gentil, écoute, ça fait plaisir. Ensuite, elle m'a demandé de te poser deux questions, du coup, de te poser deux questions pour elle. Donc, la première, c'est, étant donné ta contribution française à l'homme araignée, est-ce que tu es toi aussi tombé dans la nostalgie provoquée par le film, par le blockbuster Spider-Man No Way Home, sorti en décembre dernier? Alors, je l'ai pas vu. D'accord. Voilà, je suis ultra fan de Spider-Man, je suis ultra fan de Marvel, j'ai pas vu les deux derniers Spider-Man que j'ai très très envie de voir, mais j'ai pas pu aller voir le dernier aussi. Non, j'ai doublé dedans d'ailleurs, mais j'ai pas pu aller le voir parce que j'avais pas vu celui d'avant, et il faut que je le rattrape, voilà, très très vite. mais du coup, je me suis un peu paumé là dans la toute dernière phase du MCU après Avengers Endgame, en fait, comme j'en ai loupé un, deux, avec la sortie des sorties Cinoche, faut que j'attende maintenant de les récupérer et de les voir à la maison. Mais voilà. Donc je ne peux pas répondre à cette question, mais par contre, je vais m'y coller parce que j'adore ça. Donc, j'ai fait pour dire, quand j'étais en fac de Cinoche, le sujet de mon mémoire en maîtrise, c'était les adaptations de comics au cinéma. D'accord. Et c'était bien avant l'arrivée de tous les films là récents. C'était bien avant l'invasion des films de super-héros. Donc voilà, je suis un fan de la première heure. Voilà. Et du coup, bah, sa deuxième question, c'était, est-ce que tu es allé voir le film? Et si oui, quel a été ton sentiment? Mais du coup, non, pas encore. Bah, non, désolé. Non, bah, personnellement, je suis allé le voir. Et puis, franchement, c'est un film qui vaut vraiment le coup. Ça s'est embrasé, on va dire, avec toutes les rumeurs qu'il y avait. Et puis, franchement, je suis allé le voir et j'ai pas été déçu. Et puis, sans se trop en dire, voilà, même si bon, maintenant, je pense qu'on connaît tous ce qui se passe dedans. Mais, voilà, c'est toute cette enflamme. En gros, le fait de s'enflammer, c'était, voilà, légitime, on va dire. Voilà. Bah ouais, j'ai aussi eu pas mal de bons échos, donc ça augmente encore plus l'envie de voir les deux films. Et donc du coup, tu viens de dire que tu as doublé dans le film Spider-Man No Way Home. Non, c'est le dernier là, c'est lequel, le dernier c'est No Way Home, c'est celui de cette année là ou c'est celui d'avant Non, No Way Home c'est celui de décembre dernier, avant c'était Far From Home. Far From Home, voilà. C'est ça, j'ai confondu les deux titres. Oui, j'ai doublé dans le dernier. Le film est sorti, on est d'accord. Je crois que j'ai le droit de le dire maintenant parce que on est tenu par des contrats confidentiels. confidentialité et tout, c'est assez compliqué. Bien sûr. J'ai doublé un tout petit rôle, j'ai fait la scène post-générique. Je fais le barman qui parle avec Venom. Ouais. D'accord. Ok. Ah voilà, j'ai complètement spoilé maintenant tous ceux qui n'ont pas vu le film. Oh. Désolé. Non mais voilà. Mais donc du coup, vu que tu fais partie maintenant du coup de la, on va dire de la franchise de Spider-Man, notamment avec les jeux vidéo, donc est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'échanger justement avec Damien Whittaker qui a prêté sa voix à Tobey Maguire, et ensuite avec Donald Reynou qui a prêté sa voix à Andrew Garfield, et avec Hugo Brunswick qui a prêté sa voix à Tom Holland. Est-ce que tu les connais, enfin les comédiens de doublage là du coup ou pas? Alors, je connais très bien Donald parce qu'on a beaucoup bossé ensemble sur plein de séries et de dessins animés. Mm-hmm. Je crois savoir que c'est lui qui a récupéré la voix de Spider-Man là dans les jeux actuellement. Et je crois qu'il est très content parce oui. que c'est aussi un très grand fan de Spider-Man. donc voilà. Sinon, non, Damien, j'ai enregistré une fois avec lui, voilà, mais je ne connais pas plus que ça. Et en tout cas, on s'est jamais trouvé à parler en particulier d'un aspect. Mmh. Et donc, du coup, Hugo Brunswick qui prête sa voix à Tom Holland, est-ce que tu le connais ou pas? Non, je le connais pas. Je le connais de nom, mais je le connais pas. Et puis, malheureusement, les conditions de travail ont complètement changé ces dernières années avec l'arrivée du Covid. Oui. On enregistre maintenant tous séparément. D'accord. Du coup, c'est compliqué de rencontrer les nouvelles personnes. Donc moi j'ai la chance de faire ce métier depuis 30 ans, donc j'ai beaucoup d'amis dans le boulot et voilà, quand on se croise, on est hyper content de se voir, mais par contre, il n'y a plus la vie sociale qu'il y avait avant. Voilà, j'espère que ça reviendra, mais je ne sais pas si ça reviendra, parce que peut-être que ça convient aussi pour des raisons techniques, des raisons économiques, j'en sais rien, voilà, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer dans le futur de notre métier, mais. En tout cas, c'est sûr que maintenant, vraiment, apprendre à connaître de nouvelles personnes, c'est compliqué. En dehors des comédiens qui sont aussi directeurs artistiques, et forcément, on peut être amené à rencontrer quand ils nous dirigent sur les plateaux. Mais sinon, on va moins faire connaissance, on aura moins d'occasions de faire connaissance qu'avant quand on enregistrait tous ensemble. Oui, bien sûr, j'imagine. Et donc, oui, je confirme, c'est bien Donald Reynou qui a récupéré le rôle de Peter Parker dans les nouveaux jeux. Dans les nouvelles versions, donc c'est ça qui est marrant, parce que c'est lui qui faisait Andrew Garfield au moment où moi j'ai fait les jeux, et oui. Parce que j'ai fait les jeux avant que les films soient doublés, et maintenant que c'est plus lui qui fait les films, c'est lui qui fait les jeux, donc voilà, mais bon, en connaissant Donald, il doit aussi correspondre parfaitement au personnage avec le côté un peu déconneur et ça doit aussi le faire remarquablement bien. Ah oui, je confirme, et donc il y a également Donald Reynou, un de ses rôles majeur, on va dire, le rôle du garçon à la mèche jaune, Titeuf, c'est lui qui prêtait sa voix aussi. Exactement, ou Titeuf dans lequel il y avait ma sœur. Exactement, qui jouait Nadia d'ailleurs. Nadia et le bébé, je sais plus comment il s'appelait. Zizi, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, ça peut être ça, ouais. Voilà. Et également, en tant que comédien de doublage, du coup, tu as également prêté ta voix à un personnage de la célèbre franchise de Twilight, où tu interprètes le personnage de Embry Cole, interprété par Kiowa Gordon. Voilà. Alors là, c'est marrant, les Twilight, c'est, on va dire que c'était le moment où dans notre métier, on a commencé à être vraiment dans la parano, la peur du piratage. Et du coup, nous, on enregistrait les Twilight, on avait une image qui était complètement tronquée, on va dire. D'accord. L'image était en noir et blanc. Il y avait des traits de tous les côtés, par-dessus, c'était flou, et du coup, on ne voyait rien. Voilà. Et j'ai enregistré, alors je crois que je suis dans 4, il y a 5 films Twilight qui semblent, il y a un film où je ne suis pas. Et en fait, sur les 4 films que j'ai fait, alors j'avais pas un des rôles principaux, mais bon, le rôle personnel était là, je ne pourrais pas reconnaître le comédien que j'ai doublé. Voilà. J'ai pas vu, je le vois, on n'a rien vu. Donc voilà, les conditions étaient un peu. Alors je comprends hein, évidemment cette peur du piratage. S'il y a cette peur de cette parano qui est arrivée, c'est parce qu'il y a eu des accidents, il y a eu des problèmes, il y a eu des piratages. On s'est fait à différentes étapes entre le montage du film, le mixage, le doublage, etc. Mais c'est vrai que pour travailler, c'est pas les conditions les plus confortables. Voilà. Bien sûr. Donc Twilight, tu es présent dans quatre chapitres, c'était en termes de chapitres. Donc le chapitre 2, Tentation, le chapitre 3, Hésitation, le chapitre 4, révélation partie 1, et le chapitre 5, révélation partie 2. Voilà. C'est ça, j'étais pas dans le premier alors. Okay. Non, de 2009 du coup à 2012. Ouais. Voilà. Et puis pour parler d'autres rôles que tu fais, on entend ta voix dans la célèbre série Véronica Mars, dans le film Tom et Jerry, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, dans le rôle vocal, si je peux dire, de Victor Krum, interprété par Stanislav Janevski, ou encore dans Grey's Anatomy Station 19, c'est un peu plus récent, dans le rôle de Michael, interprété par Jonathan Bennett, et même dans la célèbre série, et oui, Mon Oncle Charlie, dans laquelle tu prêtes ta voix à Ashton Kutcher dans le rôle de Walden, pour ne citer que ces films et séries du coup. Voilà. C'est des bons souvenirs. C'est vrai, ce matin, j'ai regardé un petit peu des extraits de, justement, en préparant un petit peu cette émission, en peaufinant, j'ai vu des extraits, du coup, de Mon Oncle Charlie, puis de Ashton Kutcher, et c'est vrai que c'est assez surprenant, parce qu'en fait, la voix, parce que, est-ce que, tu vois, dans tes rôles, tu modules ta voix, ou est-ce que tu gardes ta voix normale, du coup? Ah non, alors, c'est très, très variable, effectivement. D'où le fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, peut interpréter des rôles complètement différents, c'est que non, on s'adapte énormément. Ça m'arrive de garder ma voix normale, même si peut-être toujours le fait de passer au micro fait qu'il y a peut-être toujours une modification, mais ça m'arrive quand le comédien en VO est très proche de moi et des fois j'ai l'impression de faire aucun effort et de pas jouer. Des fois, il y a plein de fois où on adapte par rapport au jeu. Qui n'est pas le même, par rapport au phrasé qui n'est pas le même, ou tout simplement par rapport à l'esprit, aux intentions. Ashton Kutcher, je l'ai doublé dans deux films et dans Mon Oncle Charlie. Alors dans les films, c'était plus proche, de ma voix normale. Dans Mon Oncle Charlie, comme il module énormément, lui, et j'ai cette capacité aussi de moduler, c'est-à-dire monter plus dans les aigus, descendre dans les graves, forcément on suit ce qu'il fait, donc voilà. Et puis comme c'est une sitcom, on va dire que là il en faisait des caisses, on est dans un registre de comédie qui est assez poussé, là pour le coup ça se rapproche plus presque de ce que j'ai pu faire au théâtre quand j'ai joué de la comédie ou du café théâtre. Il y a quelque chose de très presque comme dans les comédies de boulevard, quoi, où on en fait des caisses, comme dans les dessins animés aussi d'ailleurs, enfin, pas tous mais dans certains dessins animés où on en fait des tonnes et on est énormément dans la rupture en fait par rapport à la comédie. Et donc ouais, forcément la voix s'adapte, on change forcément, on essaie de toute façon tout le temps de se rapprocher de la voix originale et de coller le plus possible à l'image. Donc voilà, mais suivant ce qu'on joue, j'ai fait des trucs vraiment variés. Quand je suis sur Walking Dead ou sur Narcos, forcément je vais pas jouer de la même manière que quand je suis sur Mon Oncle Charlie ou The Office. Vraiment à l'opposé du jeu, voilà. Mais encore une fois, les deux sont formidables à faire. Ce qui est intéressant en tant que comédien, c'est de faire des choses extrêmement variées et différentes. Donc voilà, il y a un plaisir qui est accru quand le produit original est de qualité. Voilà, quand on bosse sur un film ou une série. C'est vraiment super, on voit que c'est bien réalisé, que c'est bien écrit, que c'est bien joué. Là, en ce moment, j'étais sur Ozark, là, sur la saison 3 d'Ozark. C'est génial, quoi. Donc, en fait, c'est le plaisir, il est immense. Après, des fois, on fait aussi des téléfilms un peu pourris, des films nuls, des séries nazes. Bon, bah voilà, c'est pas grave. L'implication est même que quand on tourne, ça va arriver de tourner dans des trucs où c'est pas super. Là, on est un peu plus gêné. En doublage, l'avantage, c'est que quand on double un truc qui est naze, c'est pas grave, on se marre, on le fait, on essaie de faire du mieux possible, on essaie de, entre guillemets, d'améliorer le produit. Voilà. Alors que quand on bosse sur une série ou un film de qualité, on essaie de pas détériorer trop le produit, parce que forcément, il y a toujours une déperdition entre la VO et la VF, parce qu'ils ont mis des mois de travail pour tourner le truc, etc. Et puis ça dépend de plein de choses, ça dépend du temps d'enregistrement, ça dépend de la qualité du texte français, ça dépend du mixage, ça dépend de la qualité de la prise de son, ça dépend de la direction artistique, et puis évidemment ça dépend de nous, de notre travail. Donc voilà, mais c'est une chaîne, quoi, fait partie d'une chaîne. Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir justement de faire des choses, de bosser sur ces produits-là. Bien sûr, j'imagine. Donc du coup, il est 14h40, donc Avant de poursuivre encore cette émission, je te propose de nous lancer dans la deuxième fréquence musicale de ton choix, à nouveau Benjamin, Ike Turner, avec, dont on salue la mémoire, en duo avec sa femme Tina Turner, et leur titre Proud Mary. Au niveau des références, à nouveau, c'est un morceau sorti en 91, me semble-t-il, et issu de l'album / compil Proud Mary, The Best of Ike ou Ike, et Tina Turner, sorti en 91 également. Donc on écoute ce titre et on se retrouve juste après. Qu'est-ce que t'en penses, Benjamin? Eh ben, avec grand plaisir. Alors c'est parti, on se retrouve d'ici à peu près 5 minutes, voilà. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way the things might have been. Big wheel keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Cleaned a lot of plates in Memphis. And I pumped a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hit the ride on the riverboat queen. Know the big wheel keep on turning. Oh, I left a good job in the city. Working for the man every night. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous êtes toujours en direct. Vous venez d'écouter Ike Turner en duo avec Tina Turner avec le morceau intitulé Proud Mary. Et il est 14h46 et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Benjamin Pascal, comédien de doublage, voix off et musicien entre autres, qui est là pour nous parler de ses différentes activités et pour nous partager son parcours. Voilà, pour passer un bon moment tous ensemble. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie justement, Benjamin? Ah bah oui, clairement, c'est cool. Super. Donc, même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi ce morceau? Parce que je suis un grand fan et de rock, notamment des années 60-70, et de blues et de R&B et de soul music. Mm-hmm. Et que Ike et Tina Turner sont un peu au confluent des deux, voilà. Je me permets de te corriger, là, le morceau ne date pas de 91, c'est le best-of qui date de 91, d'accord. Il date de 71, okay. Et c'est une reprise d'un morceau de Creedence Clearwater Revival qui date de 68, je dirais. Et donc voilà, c'est un morceau de rock, mais c'est chanté avec un rythme funk et par une chanteuse soul. Donc voilà, c'est tout le mélange des musiques afro-américaines que j'adore. Mmh. Et ben là, du coup, c'est toi qui as bien fait de me corriger, du coup. Voilà. Chacun son tour. Voilà. Et donc, pour reparler rapidement au niveau des jeux vidéo, du coup, tu as également prêté ta voix dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio en 3 Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016, avec dans le rôle de Kubo, me semble-t-il, et même le personnage, tu incarnes aussi le personnage Dante, le personnage du coup principal de la franchise Devil May Cry dans le jeu DMC Devil May Cry sorti en 2013. Oui. Tout voilà. À fait. Ben, Devil May Cry, c'était super d'ailleurs. Le jeu était hyper agréable à faire parce qu'on l'a fait vraiment dans des conditions excellentes où on avait justement une bande rythmo pour toutes les cinématiques et tout. Donc on l'a vraiment, pour le coup, pu chiader le truc en mode doublage, ce qui n'est pas toujours le cas en jeu vidéo. Souvent en jeu vidéo, on enregistre avec seulement l'audio que le son et où il faut qu'on se cale, on va dire, sur la forme d'onde quand on voit l'image. Début fin, donc difficile d'être aussi synchrone que sur un film, mais c'était vraiment très plaisant à jouer, le rôle était super. Et sur Sonic, c'est un plaisir. Effectivement, il y a eu plusieurs jeux Sonic et moi j'ai eu l'occasion de faire le dessin animé Sonic Boom, et là c'était un vrai bonheur. J'ai fait plein de persos dedans et le dessin animé était vraiment tellement bien écrit, très très drôle, et en plus Cocorico, c'était une réalisatrice française qui a réalisé toute la série. Et mmh. Coprod international, et c'était vraiment un vrai bonheur, ce truc-là. Je suis éclaté à faire. Je faisais Orbot et Cubot dans le dessin animé avec plein de personnages, et effectivement dans les jeux je fais toujours Cubot. Ouais. Voilà. Et donc du coup il y a eu plusieurs jeux également Devil May Cry avant. Du coup c'était pas toi qui prêtais ta voix à Dante là cette fois, si? Alors je crois qu'ils n'étaient pas doublés les jeux d'avant. D'accord. Il me semble. Et là, il me semble que c'est ça, je peux me tromper. Hein. Et là, en l'occurrence, c'était un préquel, et du coup, il était plus jeune, le personnage, et en plus, il y avait une VF, et donc là, pour le coup, ça collait. D'accord, parce que j'avoue, j'ai pas joué, donc je sais pas trop, je peux pas dire s'ils ont été doublés ou pas. Par contre, pour faire ton métier, donc pour faire le métier de comédien de doublage, est-ce qu'il faut parler d'autres langues que notre langue maternelle, ou pas obligatoirement? Non. C'est important d'avoir une bonne oreille, je pense, une oreille musicale, et puis avoir une faculté à quand même s'adapter à son écoute. Après, moi, personnellement, je parle en anglais et espagnol. Mm-hmm. D'ailleurs, je double énormément d'espagnol, même là, avec l'accent ou quoi que ce soit. Mais ça m'est arrivé de doubler un nombre incroyable de dessins animés japonais. Ça m'est arrivé de faire plein de films nordiques. Ça arrive de faire des programmes allemands, des programmes dans des chaînes, dans des langues que je ne maîtrise absolument pas. D'accord. Et c'est pas un souci. Le problème, c'est que on peut pas modifier le texte ou quoi que ce soit si personne parle la langue. Voilà, faut faire confiance aux traducteurs, aux adaptateurs. C'est plus facile sur l'anglais ou l'espagnol, enfin pour moi, en tout cas quand je comprends, mais voilà, c'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre. Le problème, c'est que la musicalité des langues est complètement différente suivant les pays, notamment en Asie, plus on s'éloigne. Donc il faut pas se laisser embarquer complètement, parce que évidemment sur l'anglais, on va être assez proche au niveau des intentions, même si de temps en temps la musicalité n'est pas la même. Mais globalement, on va être assez proche de ce que feront les acteurs en version originale, en espagnol encore plus, en italien aussi. Après, c'est vrai que quand on arrive sur du suédois ou du japonais ou du coréen, là, faut un peu plus s'éloigner de la VO parce que on a une fiscalité de la langue qui est complètement différente. Donc justement, donc voilà. Mais non, il n'y a pas forcément besoin de parler une autre langue. D'accord, parce que justement tu parles de japonais, etc. Parce qu'il me semble que tu as du coup prêté ta voix pour des animés, donc c'est des mangas du coup en dessin animé, il me semble. J'en ai fait énormément, ouais. Ouais, ouais. J'en ai fait beaucoup c'est un plaisir parce que ça me rappelle ma jeunesse tout simplement quand je regardais, quoi. Mm-hmm. Du coup, il y a un truc qui se fait un peu naturellement, on va dire. J'ai commencé à en faire pour le coup des animés quand j'avais 20 et quelques années, donc j'avais déjà pas mal de bagages, on va dire, en doublage derrière moi. J'avais déjà aussi commencé à faire du dessin animé, donc parce que le dessin animé c'est un truc un peu particulier, il faut pouvoir rentrer et s'adapter. Comme on change énormément sa voix, on est quelque chose de souvent de plus cartoon, donc il faut pouvoir rentrer dedans. Et quand les animés sont arrivés, ça a été quelque chose d'assez naturel pour moi, du fait que j'ai grandi, enfin je suis la génération Dorothée, donc voilà. Et du coup, ça m'a fait plaisir aussi de bosser sur des dessins animés qui étaient mythiques dans ma jeunesse. J'ai fait des OAV de Goldorak, j'ai fait la dernière version de Tom, d'Olive et Tom. Enfin voilà, c'est sympa quoi de se retrouver sur des trucs où on a grandi avec. C'est un bonheur. Enfin, je suis sur les Dragon Ball maintenant depuis quelques années. Donc c'est cool. Ça c'est vraiment c'est assez fun. Bien sûr. Oui, parce que justement, je regardais en même temps ton CV sur Internet, en même temps que tu répondais, ouais. Donc Dragon Ball, également Jujutsu Kaisen, entre autres, en 2020. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Différent. Là, je viens de faire le film là. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Ah, des trucs. Alors, secret complet, mais. On va pas prendre de risque. On va dire que du coup, tu viens de faire le film et puis voilà. On va pas trop en dire parce que bon si. Ah bah non, ça je dirais rien de dessus. Et également dans Batman aussi, voilà, tu jouais Robin dans certains. Ouais. Bah en fait, j'ai participé au dessin animé, le dessin animé des débuts des années 90, le dessin animé Batman. Mm-hmm. J'ai dû être le deuxième ou le troisième Robin, je pense, du dessin animé. J'ai fait très peu d'épisodes, mais j'ai fait la fin. Et comme j'ai fait la fin, du coup, je suis resté dans noté comme étant la voix officielle de Robin. Ce qui fait que je me suis retrouvé à faire, à l'époque, Batman et Robin dans Scooby-Doo, à faire des bandes-annonces, à faire mon premier jeu vidéo, en fait, quand on m'a appelé, c'était pour ça. C'était parce que j'étais la voix officielle de Robin. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon premier jeu vidéo et que ça m'a donné un pied à l'étrier, on va dire. Ça m'a mis un pied à l'étrier dans le monde du jeu vidéo. Mm-hmm. Mais ouais, c'était chouette. Bien sûr. Donc du coup, ton CV d'acteur, comédien, il serait encore très très long à détailler, mais malheureusement, on est un petit peu pris par le temps. Donc ce que je vais faire, enfin ce qu'on va faire, je te propose de nous intéresser un petit peu au côté musicien. Ouais. Voilà. Donc du coup, comme on l'a dit en début d'émission, tu étais le troisième et dernier Monsieur D dans le duo Old Laf et Monsieur D. Oui. Voilà. Mais est-ce que tu pratiquais du coup déjà de la musique avant d'être le troisième Monsieur D? Non, si j'avais fait du piano quand j'étais dans ma jeunesse. Mm-hmm. Donc du coup, là ça m'a aidé parce que sur scène je faisais du synthé quand j'étais avec Old Laf. Mais non, le duo qu'il avait créé avant, c'était un duo, un chanteur avec un comédien. Et du coup, le spectacle était un spectacle musical, mais aussi comique. Il y avait une partie sketch, il y avait de l'impro. Et donc, on va dire que Old Laf, qui est un musicien accompli et un super compositeur, il était tiré vers la partie comédie par Monsieur D, on va dire. Et le Monsieur D qui était le comédien, du coup il chantait et il était briefé et coaché par Old Laf pour la partie musicale. Donc ça faisait un bon équilibre sur le duo. Et en fait il a gardé cet équilibre-là quand Monsieur D, mon prédécesseur Frédéric Weiss, a quitté le groupe. Moi, je connaissais Hall. Je connaissais Hall de Laff parce que on jouait à l'époque au Blanc Manteau une pièce qui était juste après eux. Ils étaient en concert là régulièrement toutes les semaines de la scène Monsieur D. Et moi, j'avais ma pièce qui se jouait juste après. On avait sympathisé et du coup, ils m'avaient demandé de participer à un album pour enfants où justement il fallait faire un peu des voix comme je fais dans le dessin animé. Et du coup, j'avais un peu chanté pour faire les chœurs. Et comme ça s'était très bien passé, quand Monsieur D lui a fait faux bond, il m'a demandé de le remplacer sur l'album. Et voilà. Et je crois que ce qu'on vendait surtout sur Hall de Laff et Monsieur D, c'était de la complicité sur scène. Voilà, c'était ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il m'a proposé de le remplacer. Et comme moi, j'avais adoré le spectacle, je l'ai fait avec grand plaisir. Mmh. Oui, donc trois Monsieur D, donc Frédéric Dra, Frédéric Weiss, comme tu l'as dit, et du coup Benjamin Pascal, le dernier Monsieur D. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un par album au final. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui te plaît dans la musique ? Alors sur scène, ce qui était incroyable, c'est le fait que le rapport avec le public a rien à voir avec le théâtre. Mmh. Quand on est sur scène au théâtre, on est un peu dans sa bulle. Il y a un stress, un trac qui est tout le temps là, même quand on a joué 300 fois une pièce. Et il y a une concentration qui est très importante. Et on est comme dans une bulle avec les autres comédiens. Et le public est là, on doit être est là. On va dire participe par ses réactions. C'est très important d'être à l'écoute du public, mais il y a quand même une sorte de barrière. C'est comme s'il y avait un quatrième mur, quoi. Quand on est sur scène, l'échange n'est pas du tout le même parce que on s'adresse beaucoup plus directement au public. On chante pour eux. On est avec eux. Et par exemple, je n'ai jamais ressenti de trac sur scène quand j'étais avec Hall de Laff. Pourtant, on a fait l'Olympia, on a fait des scènes de ouf, on a fait des gros festivals. Et j'ai jamais ressenti de trac parce que je sais pas, il y a un partage qui n'est pas le même avec les autres musiciens. Voilà, c'est une autre expérience à vivre qui est très très très agréable. En plus, moi, pour le coup, j'ai eu la chance d'arriver en fin d'histoire par rapport au groupe, donc le groupe avait déjà quand même une base de fans qui était assez établie, notamment après le clip du café qui a fait connaître vraiment pas mal, qui a fait beaucoup parler sur internet à propos du groupe. Et du coup, majoritairement, enfin, on avait des salles pleines, donc c'était un vrai plaisir. Et j'ai pu continuer cette expérience-là, alors non pas sur scène, puisque je ne fais plus partie du groupe, et voilà, même si j'ai participé avec Hall de Laff, notamment sur les albums pour enfants, c'est par d'autres copains, par un ami qui s'appelle Monsieur Lune, et avec son groupe, donc ça m'est arrivé de rechanter dans ce cadre-là. Mais sinon, là, c'est surtout, là, maintenant, ça m'arrive de chanter surtout pour des dessins animés, en doublage, ou des fois, quand le personnage chante dans une série ou dans un film. Donc voilà, c'est comme ça que je continue un petit peu, on va dire, à chanter. Mais après, je peux pas, honnêtement, me présenter comme chanteur. Je sais que je suis un comédien qui chante, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. D'accord. Et puis, du coup, bien que ce soit différent, donc, du coup, tu es comédien, mais en même temps que, on va dire, chanteur, comédien qui chante, il y a toujours quand même ce contact avec les personnes qui t'écoutent, quelque part. Ah oui, c'est tout à fait. Et puis, en plus, quand on était avec Hall de Laff, il y avait vraiment une partie sketch et une partie impro qui donnait un côté théâtral à l'ensemble. C'était des concerts, mais c'était vraiment un spectacle à part entière. Donc ouais, forcément, on jouait pour eux. Enfin voilà, le but c'était de les faire marrer, le charme public et de les divertir. Donc ça reste la base. Bien sûr. Donc on va un petit peu dépasser, mais c'est pas bien grave. Donc nous arrivons du coup déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je te propose, Benjamin, de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale de ton choix. Est-ce que tu te souviens de ton choix ? Alors oui, c'est Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. C'est ça. Tout à fait, que l'on pourrait traduire du coup en français par fils d'un pasteur, me semble-t-il. Toujours au niveau des quelques références, ce morceau est plutôt typé soul, je dirais. Il est sorti en 68, est-ce que j'ai la bonne année cette fois ? C'est possible, ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Et là, en l'occurrence, c'était plus par rapport à mon amour des BO. des bandes originales. J'adore le cinéma et j'adore surtout le cinéma parce que c'est le rapport entre l'image et la musique. Mmh. Et j'adore les musiques de films composées. Je suis un grand fan. Et là, en l'occurrence, cette chanson était dans Pulp Fiction. Et Tarantino, ça reste un roi de la BO. Donc voilà. Tout à fait. Donc déjà, ce morceau est présent dans l'album Dusty in Memphis de Dusty Springfield. Et du coup, comme tu viens de le dire, présent dans le film Pulp Fiction, sorti en 1994 avec John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis et Uma Thurman, entre autres. Donc on écoute Son of a Preacher Man de Dusty Springfield et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Game Audio d'ici un peu moins de 2 minutes 30. Donc à tout de suite. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see, he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Was the son of a preacher man. Yes, he was. Lord, who he was. Yes, he was. How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. Son of a Preacher Man de Dusty Springfield sur Radio Game Ozo. Vous êtes de retour, vous êtes toujours en direct, il est 15h04 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet https://radiogameozo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France et dans les pays frontaliers, car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Suisse, en Allemagne et puis même au Québec malgré le décalage horaire grâce à notre site internet et à notre application Orange Radio, application mobile et web, je le précise. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone pendant encore quelques minutes de Benjamin Pascal, comédien de doublage, voix off et musicien entre autres, qui est là pour nous parler de ses différentes activités et pour nous partager son parcours. Tout va toujours bien ? Ben oui, je m'éclate, c'est super. Parfait, ben je m'éclate aussi. Voilà. Même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, tu es habitué désormais. Pourquoi ce morceau ? Comme je le disais juste avant, c'est mon amour du cinéma et des musiques de films. Il y a vraiment des chansons qui marquent, des BO qui marquent. J'aurais pu prendre là les Gardiens de la Galaxie, j'aurais pu prendre un milliard d'autres films, mais c'est tombé sur Pulp Fiction. Mais ouais, j'adore vraiment le mariage entre la musique et l'image. Je trouve que c'est quelque chose d'incroyable quand on est dans une salle de cinoche. C'est ce qui procure le plus d'émotions à mon avis. Donc Dusty Springfield, on en profite pour saluer sa mémoire également, car il me semble qu'elle est décédée depuis quelques années maintenant. Nous, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé selon toi, ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour? C'est une question piège, j'en sais rien. On a survolé tout, et en même temps, on pourrait parler pendant des heures, donc... C'est vrai. Donc, je sais pas. D'accord. Bah. J'ai pas de réponse à cette question, en vrai. Bon, alors, t'auras peut-être une réponse à la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, bah, écoute, que ça continue, déjà. Donc voilà, que ça continue. Au niveau professionnel, puisqu'on parle de doublage, c'est par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on retrouve un peu plus l'ambiance troupe qu'on avait, le grand plaisir du métier d'acteur, c'est de donner la réplique, de parler aux autres. Et c'est vrai que là, d'enregistrer tout seul, c'est quand même un peu tristounet. On a envie de se faire surprendre aussi par les camarades, tout simplement. Donc voilà, jouer la comédie, c'est agir et réagir. Et là, on est obligé un peu de faire tout seul. Donc voilà, espérer que le Covid passe et qu'on retrouve une situation un peu plus normale dans notre métier et qu'on puisse un peu plus partager le micro. Voilà. Bien sûr. Et puis, du coup, vu que vous doublez les comédiens de doublage, vous doublez les tout seul, donc c'est aussi moins convivial, du coup. Oui, bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que pendant des années, on s'est franchement marré, quoi. Faut bien reconnaître. Alors bon, ça, c'est pas. C'est toujours pareil, ça dépend avec qui on travaille, il y a toujours des gens avec qui il y a plus d'affinité, ça arrive que des fois sur des plateaux, il y a des ambiances tendues, enfin, évidemment c'est comme partout, mais quand même globalement, la plupart du temps c'est quand même un vrai plaisir de croiser les copains, donc là c'est voilà, envie de retrouver un peu les copains du métier. Bien sûr. Si nous voulons te suivre et suivre ton actualité, comment est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose. D'accord. j'ai pas de site internet, je fais pas trop de promos. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus maintenant ça devient compliqué parce que comme je te disais, on signe des fois des contrats de plus en plus de confidentialité, donc on n'a pas le droit de parler des choses qu'on fait tant que c'est pas sorti. Donc voilà. Moi ce que je mets, la plupart des trucs importants, je mets sur le site RS Doublage parce que c'est un site qui référencie pas mal de trucs. Mm-hmm. Après je sais qu'il y a énormément de sites, notamment sûrement la camarade là qui a appelé tout à l'heure, tu peux peut-être redire son truc, là sa page Facebook, Miss Movies. Miss Movies, voilà. Il y a plein de gens comme ça, de fans de doublage ou qui s'intéressent à ça, qui ont des pages. Donc pour les gens que ça intéresse, voilà, on peut suivre l'actualité sur ces pages-là. Mmh. Donc RS Doublage, d'ailleurs, c'est grâce à ce site que j'ai pu avoir ton contact sur RS Doublage. Voilà. Donc je remercie Reynald qui gère ce site, qui faisait ça depuis très longtemps, d'abord comme un passionné, et qui fait ça maintenant comme un professionnel depuis très longtemps, et c'est une référence dans le métier. C'est vrai. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, bah écoutez, voilà, moi j'étais ravi de partager ça avec vous. Merci Chris pour l'invitation. Et puis voilà, c'est la VF, c'est un, il faut pas que ce soit une obligation. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, donc après ils se rebutent en disant oui, pourquoi ils font ça et tout. Mais c'est aussi un accès pour tous ceux qui ont pas forcément envie de lire ou qui parlent pas d'autres langues ou quoi. Enfin, ça reste une ouverture sur d'autres programmes. Donc voilà, continuez à regarder ce qui vous fait plaisir en VO, en VF, et puis profitons de tous les programmes de qualité qui nous arrivent là maintenant en ce moment. On a quand même pas mal de chance à ce niveau-là. Exactement. Donc voilà, donc le message est passé. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est un monstre de te remercier, Benjamin, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après hors antenne. Avec plaisir. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Et si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail si tu veux la récupérer. Bah, avec plaisir. Voilà, la récupérer, etc. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Kelly Finnegan et son titre I Don't Wanna Wait. Voilà. Et avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais dans nos locaux Myriam et Piotr du Fournil Ambulant, le Pain des Hauts. Voilà. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, et ça sera certainement, je ne vous le cache pas, ça sera certainement une rediffusion. Voilà. Merci de votre fidélité à Radio Gémozo, et du coup, bah, je vous dis à demain ou alors à vendredi. Voilà. Donc, salut et à demain.